if it breaks your heart like lovers do, just know that I'll be waiting here for you. Ed Sheeran, Happier sur RTL2. Happier. C'est l'heure de la banque RTL2. Happier, happier. Nathalie, bonjour. Bonjour Nathalie. Bonjour Greg, bonjour Justine. Bonjour Nathalie. Alors on rigole, on dit 15 fois bonjour, mais parce qu'on rigole et vous savez, nous il nous en faut pas beaucoup. Et on trouve ça génial, votre prénom c'est Nathalie et votre nom de famille c'est Bonjour. Ah oui, comme bonjour. Alors effectivement, on a des personnes qui n'osent pas me dire 2 fois de bonjour. Bah oui. Donc, voilà, j'avais ma prof de latin quand j'étais étudiante qui me disait Nathalie, sois fière de ton nom. Bonjour, ça veut dire personne accueillante. Bien sûr. Bah oui, mais c'est hyper joli comme nom de famille. J'adore, j'assume. Bien sûr, Nathalie, bonjour. C'est juste Leblanc, il a pas de prénom. Ah, c'est voilà. Ça, mais les conversations téléphoniques doivent être longues, souvent. Nathalie, bonjour. Non, moi, c'est Clara au standard, oui. Ça marche à tous les coups, ma chère Nathalie. On peut vous offrir jusqu'à 10 000 euros. On peut vous offrir des smartphones, des voyages, évidemment. Qu'est-ce que vous aimez, vous, faire dans la ville, week-end, pendant les vacances? Pas mal d'activités avec mes garçons. Je les accompagne dans leurs activités sportives. Et puis moi je fais du body karaté et puis de la marche nordique. C'est celle de Alors, karaté. Je connais la marche nordique, mais body karaté c'est quoi? C'est les gestes de karaté sans contact, mais sur de la musique. Ah, sympa. C'est hyper tonique. J'en ai fait hier soir, je suis épuisée, j'ai encore mal. En fait, mais c'est un mélange de karaté et de karaoké, quoi. Ouais. On va dire ça, mais on chante pas. Vous devez être sacrément musclé, Nathalie. Allez, on y va, top non, chrono, une minute. Ça, mais... C'est parti, Nathalie. Gare au coffre vide, coffre 1. On y va, Nathalie, quand même. Hein. 300 euros. Waouh. Ah, c'est beau. Allez, je passe. Attention, hein. Oui. Allez. Coffre 2. Un smartphone Wiko Youfil. Le Wiko Youfil. Je passe. Allez. Elle hésite à chaque. Coffre 3. Allez, Nathalie. Un séjour à l'Azur pour 2 personnes. 1500 euros en moyenne. 1585 euros à Royan. On prend ça? J'aime bien, elle rigole. J'adore, Nathalie. Vous êtes incroyablement positive. C'est Nathalie, bravo. C'est pas Nathalie, bonjour pour le coup. Nathalie. Non, t'es bien heureuse même, là. Pour vous donc, un séjour pour 2 personnes à l'hôtel Cordouan Thalazur Thalassothérapie et Spa. Donc c'est à Royan, un hôtel 4 étoiles. Un séjour d'une valeur de 1585 euros. Hébergement 3 jours, 3 nuits. Vous avez le petit-déj compris et 9 soins. Bim. Voilà. Oh là là, c'est du... C'est dingue, hein. Bon. Je vais être trop détendue, je vais être trop bien. Ah bah c'est parfait. En cure, escale, détente, zen. Qu'est-ce qu'il y avait dans le coffre suivant? Une guitare. Bon, et bah pas de regrets. Non, pas de regrets. Aucun. Nathalie, on vous embrasse, on vous souhaite une bonne journée. Avant le top 3 de Jonathan O'Donnell, une seule question. Qu'est-ce qu'on vous sert sur RTL 2, Nathalie? Un double expression, RTL 2. Merci. Cendrillon, pour ses 20 ans, est la plus jolie des enfants. Son bel amant, le prince charmant, la prend sur son cheval blanc. Elle oublie le temps dans ce palais d'argent. Pour ne pas voir qu'un nouveau jour se lève, elle ferme les yeux et dans ses rêves. Monday.